Patrimoine en lumière, chronique sur l'art et l'histoire d'Amboise avec Guillaume Métayer, responsable du patrimoine de la ville. Bonjour à tous et bienvenue dans Patrimoine en lumière, votre rendez-vous sur Radioactive pour partir à la découverte de notre histoire locale et du riche patrimoine d'Amboise. Aujourd'hui, on pousse les portes d'un lieu rempli de trésors, les archives municipales d'Amboise. Derrière les murs de l'espace Pinasso, c'est toute la mémoire de la ville qui est soigneusement préservée, documents anciens, plans, photos, registres. Et aujourd'hui, nous y sommes accueillis par Christelle Marie, responsable des archives municipales. Grâce à elle, on va comprendre comment ce patrimoine est conservé, valorisé et accessible à tous. Christelle, bonjour et merci de nous accueillir. Bonjour Marlène. Alors avant tout, est-ce que tu peux nous décrire, Christelle, cet espace Paul Pinasso qui abrite, rappelons-le, donc les archives municipales d'Amboise? Comment il est organisé, ce lieu? Alors ici, nous sommes dans un bâtiment qui a été réhabilité pour y accueillir les fonds des archives municipales d'Amboise. Ce bâtiment a été réhabilité en 2021 suite à une réflexion sur les archives municipales, puisque les magasins qui se trouvaient avant au sous-sol de la mairie arrivaient à saturation. On avait deux autres zones de conservation à l'extérieur, donc un deuxième sous-sol en mairie et une autre structure situé au centre technique municipal, et que ces trois sites étaient remplis. On était saturés, il fallait avoir une réflexion sur une quatrième zone de stockage et ce n'était plus possible. Donc l'idée de rassembler ces trois sites dans un même environnement et d'avoir un peu de place supplémentaire disponible a été envisagée, et ce bâtiment a été, lorsque nous l'avons visité, s'est avéré être l'endroit idéal pour pouvoir accueillir les collections. Donc, avec ce projet d'accueillir les trois zones de stockage, on a réfléchi également à une politique des publics, en se disant qu'il fallait avoir également une salle de consultation qui pouvait accueillir les usagers dans un environnement plus confortable, adapté avec un outil informatique qui est mis à disposition. Ça, c'était le premier point. Et également qui pouvait aussi accueillir des expositions, proposer des ateliers vers tous les publics, des conférences, voilà. Dans le projet de service de réhabilitation de ce bâtiment, tous ces éléments étaient pris en compte. Alors ce bâtiment, il s'appelle l'espace Paul Pinasso. Tu peux nous dire qui était Paul Pinasso? Je crois qu'il est instituteur à Amboise il y a des années de ça. Alors Paul Pinasso était effectivement directeur de l'école Château-Gaillard, qui était située sur la commune de Saint-Denis-Or, qui a été rattachée à Amboise en 1946. Donc l'école Château-Gaillard, c'est l'école Paul-Louis-Courier aujourd'hui. Mmh. Il était conseiller municipal de Saint-Denis-Or, donc il a été directeur de l'école, donc, comme je viens de le dire, Château-Gaillard, mais également de l'école de garçons qui était située rue Rabelais. Il était passionné d'histoire, notamment archiviste et bibliothécaire de la ville, et il a écrit une monographie sur l'histoire d'Amboise, que l'on connaît bien puisqu'il s'agit de notre vieille Amboise, voilà. Dont on peut découvrir la page de garde sur le site internet, mais ça, tu nous en parleras tout à l'heure parce qu'il y a un vraiment superbe outil pour découvrir tous les trésors abrités dans cet espace Paul Pinasso. À quoi ça sert concrètement des archives municipales, Christelle? Alors, dans la définition des archives, les archives sont l'ensemble des documents, y compris les données, quelle que soit leur date, leur lieu de conservation, leur forme et leur support, produit ou reçu par toute personne physique ou morale et par tout service ou organisme public ou privé dans l'exercice de leur activité. Donc les archives, en quelque sorte, ce sont tous les documents qui sont, donc pour les archives municipales, ce sont tous les documents qui sont produits par les services de la mairie, que l'on récupère et que l'on conserve ici dans nos magasins d'archives. Donc un rôle de mémoire, tu me disais hors antenne tout à l'heure, on est vraiment là-dessus. Oui, effectivement, puisqu'on parle des archives des services, mais quand on parle des archives des services, on parle aussi des archives qui ont été produites aussi par le passé, et on remonte donc à 1302 pour le document le plus ancien. Qui n'est pas le plus intéressant, tu me disais, hein, mais qui est le plus ancien. Qui est le plus ancien, effectivement. Non, c'est pas le document le plus intéressant pour l'histoire de la ville. Les registres de délibération sont pour moi les documents les plus intéressants. On remonte à 1451 pour ces registres. Dans ces registres, vous pouvez retrouver toute l'histoire de la ville, tout ce qui est décidé en conseil municipal et retranscrit sous forme de procès-verbal. Et ce sont ces registres qui nous permettent de pouvoir retracer toute l'histoire de la ville. Alors, 1302, c'est le document le plus ancien. Dire combien de documents il y a ici, c'est concrètement impossible, tellement il y en a, mais on parle d'un kilomètre. C'est ça. Aujourd'hui, on arrive à 1 kilomètre d'archives. Nos magasins peuvent conserver aujourd'hui jusqu'à 1,5 km. Donc, on a encore un petit peu d'espace pour l'avenir, mais ça va assez vite. Hein. Qui peut venir consulter les documents? Est-ce qu'on peut venir quand on est habitant, quand on est étudiant? Et comment ça se passe? Alors, tout le monde peut venir consulter les archives. On peut tous avoir besoin, à un moment ou à un autre, de venir pousser la porte du service, simplement parce qu'on a besoin d'un acte d'état civil ou d'un permis de construire, ce qui nous arrive régulièrement. On a beaucoup d'usagers qui viennent parce qu'ils ont acheté une maison et on ne leur a pas fourni le permis de construire avec les documents notariés. Donc si vous avez besoin de faire des travaux, il faudra forcément passer par nous pour pouvoir récupérer ces documents. Parmi le public qui vient à l'espace Paul Pinasso pour consulter les archives, est-ce qu'il y a des documents qui intéressent davantage le public? Alors avant de venir, j'imaginais la généalogie par exemple, et tu m'expliquais que maintenant la généalogie, il y a beaucoup d'outils en ligne qui permettent de le faire, ce qui n'empêche que de recevoir quand même des personnes intéressées par ce domaine, mais qu'est-ce qui est le plus demandé? Alors effectivement, j'ai connu une période où les registres d'état civil ou les registres paroissiaux étaient beaucoup demandés en salle de lecture. Aujourd'hui, ces documents ne sont plus consultés ici puisqu'on peut les consulter sur le site des archives départementales d'Indre-et-Loire. Aujourd'hui, les personnes qui viennent me voir principalement donc pour des recherches de permis de construire, pour l'histoire de leur maison. Si on a une maison qui a une histoire en Amboise, on peut retracer son histoire en venant consulter les archives, en consultant le cadastre napoléonien et les matrices cadastrales. Donc on est là pour vous accompagner, pour pouvoir commencer la recherche. Après, pour aller au-delà de ces documents, il faut forcément passer par la consultation des archives notariales. Et ça, ces documents ne sont pas conservés ici. On peut les retrouver aux archives départementales. Mais ça va être aussi pour des chercheurs qui vont venir consulter les registres de délibération du conseil municipal ou les registres de comptes que l'on va retrouver, donc je vous en parlerai tout à l'heure, mais également sur le site internet des archives. Voilà, principalement, ou des curieux qui viennent consulter des cartes postales, ou voilà ce qu'on peut trouver aujourd'hui. On parlait tout à l'heure notamment d'un étudiant de Strasbourg qui travaille en ce moment sur une thèse sur Amboise et qui vient lui aussi, quand il peut, consulter les archives. Oui, effectivement, on a un étudiant qui est en train de faire sa thèse sur Amboise, sur les habitants et les manants d'Amboise au XVe siècle. Donc il a soutenu cette année sa thèse et il est en train de la rédiger actuellement. Et Davy Montero est venu régulièrement aux archives d'Amboise pour pouvoir consulter les archives, mais on essaie de l'aider au mieux en numérisant les documents dont il a besoin pour qu'il puisse travailler à distance. Et le site internet, aujourd'hui, lui permet cette facilité de consultation puisqu'il n'a plus besoin de venir. Et ce sera aussi un outil qui permettra d'aider les autres chercheurs, les étudiants, pour la consultation. Alors, toi, tu es responsable, Christelle, des archives municipales d'Amboise. Ton métier, c'est donc archiviste. En quoi ça consiste au quotidien d'être archiviste à Amboise? Alors, il y a plusieurs facettes. Donc, déjà, les jours de consultation, les mardis et les jeudis, on accueille le public sans rendez-vous. Ces jours-là, on se consacre complètement aux usagers qui viennent en consultation, donc pour les aider dans leurs recherches. On leur donne accès aux documents, mais si vous avez besoin d'un accompagnement, on est là pour vous aider. Sinon, donc, c'est du classement, du tri des archives de nos collègues en mairie, la numérisation, que ce soit des registres de délibération actuellement, ou du fonds photo, du fonds de carte postale. On a également beaucoup de dons, donc on enregistre les dons privés, les dons des particuliers, donc que ce soit sur différentes thématiques, hein. C'est un sujet assez vaste. Ça peut aller de cartes postales à des photos, en passant par des affiches, mais aussi des emballages papier de commerce qu'on a eu dernièrement, des revues. C'est très varié. On a souvent de belles surprises. Voilà. Puis après, il y a tout l'administratif, les recherches pour les particuliers à distance, pour les services de la mairie. Mmh. Voilà, c'est assez... assez diverses et variées. Des visites, de la médiation, des ateliers pour tous les publics. Je crois que j'ai fait le tour, mais c'est très complet. Et puis ça occupe bien. Et alors, qu'est-ce qui te passionne le plus dans cette mission ? Qu'est-ce qui me passionne le plus ? La satisfaction que je pourrais avoir, c'est de me dire que quand un usager vient nous voir, il repart avec le sourire quand il a trouvé la réponse à sa recherche. C'est principalement ça qui nous plaît, de ce rôle de transmission de la mémoire que nous, on conserve ici. Également, la réalisation du site internet. Ça, c'est un beau projet qui vient d'aboutir et ça faisait partie d'un peu des objectifs de carrière que je m'étais fixé et qui a été réalisé dernièrement. Il y a une jolie formule que tu employais tout à l'heure, c'est d'être la gardienne de ce patrimoine. Oui, effectivement, j'ai la chance de vivre au quotidien avec les archives et d'être la gardienne de la mémoire d'Amboise, puisque on n'en a pas conscience, mais on est dans une ville avec une riche histoire, une ville royale, et toute cette histoire se retrouve dans les archives. Mmh. Et moi, j'ai la chance de vivre, comme je le dis souvent, avec François, Louis, Charles et les autres, puisque toute cette richesse se retrouve dans nos fonds et que j'ai l'opportunité de pouvoir en être la gardienne, voilà, tout simplement. Mmh. Et parmi tous les documents qui sont conservés ici, est-ce qu'il y a une pièce, une collection ou quelque chose qui est particulièrement pour toi émouvante ou rare ? Parmi tous les documents qui sont conservés, j'ai quand même une préférence pour les registres de délibération, simplement parce que ces registres nous permettent de retracer toute l'histoire de la ville. Quand on les consulte, quand on arrive à les lire, ce qui est une chose un peu compliquée, puisque si on n'a pas fait de paléographie, l'étude des écritures anciennes, c'est vrai que ces registres sont très, très difficiles à lire, mais ils nous racontent une histoire, ils nous racontent comment a été aménagée notre ville, tous les aménagements qui ont été effectués, les travaux, les modifications, et tout ça, on peut les retrouver en consultant ces registres. Donc, il y a les registres et puis aussi quand on couple avec les plans, le cadastre ou les plans d'alignement de 1835 que l'on conserve ici également, on arrive à avoir une visibilité de notre ville à une autre période et de voir toutes les modifications qui ont été apportées au fil des années. Tu me disais tout à l'heure aussi qu'il y a forcément un coup de cœur pour les correspondances royales, évidemment. Et puis, il y a de très jolies affiches de collection également. Oui, dans les fonds, donc on parle souvent d'archives anciennes avec les registres, mais les archives, ce ne sont pas que des vieux papiers. On a également tout un fonds d'affiches de collection, un fonds photo, des cartes postales. Voilà, et toutes ces images, vous pouvez venir les consulter ou vous pourrez les consulter sur le site internet. Alors, toutes ces pièces, il y a un enjeu important aussi, c'est de pouvoir les conserver. Donc, pour ça, il faut une régulation du taux d'humidité, il faut vérifier la température, c'est aussi des enjeux de restauration. Tout ça, ça fait aussi partie de ton quotidien. On est là, effectivement, pour veiller à ce que ces conditions concernant le taux d'hygrométrie et de température soient bien respectées. Donc, au niveau du taux d'humidité, on doit être à plus ou moins 50%, donc 5% au-dessus ou en dessous de ce taux. Et pour la température, aux alentours de 18 degrés, donc entre 18 et 22 degrés, on est plutôt bien. Et pour la conservation des archives également, on procède procède à des restaurations régulièrement, donc tous les ans. On a un programme de restauration et on envoie dans des ateliers spécialisés des archives pour qu'elles soient restaurées. Il arrive qu'elles sortent d'ici les archives et qu'elles servent à des expos, des projets pédagogiques ou culturels. On pense récemment notamment à l'expo qui a eu lieu sur l'histoire du théâtre Beaumarchais qu'on a pu retrouver dans la rotonde. Donc ces pièces, elles sont amenées aussi à circuler. Oui, elles sont vivantes puisqu'on les utilise dans le cadre de nos expos, donc notamment dans le musée d'art et d'histoire d'Amboise, mais pas que pour les expositions que l'on réalise, mais également pour les mettre en évidence dans les vitrines du musée pour compléter les collections patrimoniales. Je pense notamment à la salle dédiée à Chanteloup, où sont exposés des registres de délibération et des archives issues de nos fonds, avec des correspondances de la duchesse de Choiseul, des plans, des photos, des cartes postales. Donc ces documents, on essaie de les faire vivre et de les sortir, effectivement, pour pouvoir les montrer au public. Alors une autre façon de découvrir ces pièces, c'est d'aller sur le site internet. Est-ce que tu peux nous en parler de ce site? Il est effectif maintenant depuis plusieurs semaines. Comment il se compose? Comment tu l'as travaillé? Voilà, dis-nous tout sur ce bel outil. Effectivement, depuis un mois et demi, on peut surfer sur le site internet des archives, donc sur archives.ville-amboise.fr. Donc ce site est une extension de notre logiciel métier dans lequel on recense toutes les archives de la ville et que vous pouvez maintenant retrouver en partie sur le site internet. Donc il n'est pas question de numériser tous les fonds d'archives pour les retrouver sur le site, mais de vous mettre à disposition une grande quantité de documents. Donc vous pouvez retrouver donc sur ce site une grande quantité de cartes postales numérisées. Les affiches, donc pour les fonds figurés, hein, je parle pour les images, donc cartes postales, des affiches, le fonds photo, une partie du fonds photo de la ville, toutes les revues municipales de la ville, tous les plans qui ont été numérisés vont se retrouver sur le site également. Nous sommes en train de numériser tous les registres de délibération du conseil municipal. Nous avons commencé avec le premier registre qui date de 1451. Aujourd'hui, on arrive à 1900 pour le dernier registre numérisé et on va compléter notre collection jusqu'à mettre en ligne les registres d'aujourd'hui, jusqu'à actuel, pour avoir une collection complète. On a commencé également à numériser les comptes de la ville, donc en 1421 jusqu'en 1790. Est-ce qu'on dépensait plus à l'époque, Christelle ? Là, je pense que là, on est dans le nerf de la guerre et même à l'époque, on devait dépenser les deniers pour le bien de la ville. Pour la bonne gestion de la ville. Donc après ces registres de comptes, on va s'attacher à numériser toutes les lettres patentes et les lettres closes que l'on a. Donc vous pourrez retrouver sur le site, mais il y en a déjà de mise en ligne. Les lettres à la signature royale de François Ier, Louis XIV, Louis XI, Louis XII... Charles VIII et les autres. Et les sceaux aussi. Et les sceaux, on est en train de constituer une rubrique avec les sceaux conservés aussi dans nos archives pour vous faire un détail sur les sceaux armoriés, les sceaux en majesté, les différents cachets. Donc ça, vous pourrez découvrir tout ça sur le site. Selon toi, pourquoi est-ce que c'est important que les habitants s'intéressent à leurs archives ? Alors, pourquoi il est important que les habitants s'intéressent à leurs archives? Tout simplement pour en connaître un peu plus sur l'histoire de leur ville. À travers les archives, vous pouvez retracer toute l'histoire de la ville, savoir comment était ordonnée, aménagée la ville, l'évolution. Amboise était séparée en deux jusqu'en 1946, puisqu'il y a eu la fusion avec la commune de Saint-Niort. Ça, vous pouvez le retrouver également dans les archives. Amboise, avant le noyau d'Amboise, c'était la délimitation, c'était la masse. Après, quand on arrive au 19e siècle, on voit bien que cette évolution sur le cadastre napoléonien, où Amboise est un peu plus élargie et que la frontière entre Amboise et Saint-Niort se retrouve au rempart anticru qui se trouve à la limite de la route de Tours. Voilà, pour les personnes qui ne savent pas que Amboise était divisée en deux. On peut raconter cette histoire, on peut tout découvrir dans les archives. Eh bien, merci beaucoup Christelle Marie pour cette plongée passionnante dans la mémoire d'Amboise. Les archives municipales sont ouvertes au public, tu nous l'as dit, les mardis et jeudis, de 9h à midi et de 13h30 à 17h. C'est à l'espace Paul Pinasso, 196 rue du Château d'Eau à Chargé. Donc ne pas hésiter bien sûr à y faire un tour, que ce soit par curiosité, pour une recherche historique ou simplement pour redécouvrir l'histoire de votre ville. Merci beaucoup Christelle. Merci Marlène. C'était Patrimoine en Lumière, une émission signée Radioactive et le service patrimoine de la ville d'Amboise. À très bientôt pour un nouveau voyage dans le temps. Patrimoine en Lumière, chronique sur l'art et l'histoire d'Amboise avec Guillaume Métayer, responsable du patrimoine de la ville.